Aujourd'hui, au 8e épisode des Archéologues du Rock, on parle de rock et mode. La chanson de Catwalk, I'm Too Sexy, Right at Fred. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Caroline. Comment vas-tu? Ça va bien. Après un été qui pour nous deux, a été assez chargé, là, on revient en forme. Et voilà, donc, automne en force. Aujourd'hui, mode et musique? Oui, à ma grande surprise, parce que je ne suis vraiment pas une fashionista. Mais voyons. Je porte un chandail, des tulas. Des tulas pleurs, des jeans. Puis moi, j'ai des bottes à cap, alors, hein? On est de toute beauté comme duo. Mais nous sommes capables de parler de vêtements tout de même. Effectivement, Gilles. Allons-y, pourquoi pas, avec le concept de s'habiller chic. Oui, en fait, la musique populaire, le rock au début des années 50, des années 60, c'était encore une musique qui était empreinte de délinquance et de... Mon Dieu, il y avait du danger dans l'air. Donc, quoi de mieux pour bien présenter un chanteur ou des chanteuses ou des chanteurs, finalement, avec un habit, avec un costume? Il fallait charmer son public, finalement. Oui, les Beatles l'ont fait. Ça a été très... Il y avait les cheveux longs, mais il y avait un bel habit. Mm-hmm. Mais un groupe que... Pas un groupe, mais une scène entière qui l'a fait énormément, c'est Motown. En fait, en plus, eux, ils avaient la caractéristique, disons, d'être noirs. Donc, mon Dieu, il fallait vraiment être très bien présenté. Et donc, avoir un complet cravate, avoir des petites chorégraphies sur scène. Dans le cas des Supremes, avoir des robes magnifiques en tout temps, des cheveux absolument impeccables aussi. Ben là, on pouvait vraiment se présenter à l'Amérique moyenne et avoir des hits incroyables. Diana Ross, les Supremes, qui ont été autant, sinon plus populaires que les Beatles aux États-Unis durant les années 60, faut jamais l'oublier. Mm-hmm. Donc finalement, il fallait, à cette époque-là, avoir une image qui nous donne envie de leur confier nos enfants. Un peu, oui, oui. Et qui correspondait beaucoup aux rêves américains qu'on vendait en force à cette époque-là. Oui. À moins que vraiment tu voulais avoir une stratégie marketing de mauvais garçons comme les Rolling Stones. C'est ça, j'allais te demander. Depuis le début, mais qui réussissait d'ailleurs à tout à fait à bien s'habiller, parce qu'en fait, il était les bohèmes perdus, un peu rebelles. Keith Richards a été très influencé par Anita Pallenberg, qui a été sa compagne de vie pendant plusieurs années. D'accord. Une actrice et mannequin. Comme plusieurs d'ailleurs, rockstar. Hein? Rockstar et mannequin, oui, ça va bien vrai. Ensemble. J'ai vu ça beaucoup au cours de mes recherches, effectivement. Donc, mais à moins vraiment que... d'avoir une stratégie marketing mauvais garçon. La stratégie marketing bon garçon, bonne fille était passait beaucoup par les vêtements, passait beaucoup par des vêtements très chic, très beaux, très, très propres. D'accord. Alors, allez, on écoute avec une toune des Temptations. On parle ici de My Girl, qui est très connue, mais qui est intéressante parce que, comme tu le disais tout à l'heure, on sent vraiment très bien la petite chorégraphie super smooth derrière le mood de cette... de cette chanson-là. Pis... On entend l'habit. On entend l'habit. Oui, c'est ça. On entend presque le frou-frou des jupes. Alors, My Girl Temptations. Song than the birds in the trees. Well, I guess you say, what can make me feel this way? My girl, my girl, my girl, talking about my girl, my girl. Elena chante depuis tantôt en shakant la tête. C'est de toute beauté. Et oui. Donc, quand on parle de mode et de musique, on parle bien évidemment aussi du phénomène des catwalks. C'est-à-dire... la présentation des collections de mode à chaque saison. Exact. Et dans ce contexte-là, la capacité de trouver la chanson parfaite pour accompagner un vêtement le met excessivement en valeur et peut nous aider à comprendre l'intention derrière la création d'un designer. Donc, c'est pas rare qu'on va voir des associations se faire. Et ces dernières années même, c'est littéralement un phénomène qui s'amplifie parce que de la musique live est rendue ajoutée à l'espèce de fascination du spectacle. Ce qui fait que de plus en plus les catwalks deviennent semblables à des concerts carrément. Par contre, il faut faire attention à ça, c'est un phénomène qui peut être à double tranchant parce que ça peut détourner l'attention de l'attraction principale qui finalement est le vêtement. Oui, oui, oui. Autrement, on a aussi beaucoup de designers qui vont pousser l'audace jusqu'à confier, en fait beaucoup, je pense précisément à la maison Dior qui elle a confié le mandat à un groupe qui s'appelle These New Puritans. De composer une pièce originale qui a accompagné leur collection de l'année 2007. Et par contre, cette fois-ci, ça a vraiment été très, très bien reçu par la critique. Ça a très bien fonctionné comme mariage. Donc, il y a de plus en plus, si on peut dire, de mariages rock et mode, justement. Absolument, absolument. Une fonte l'un dans l'autre. Oui, puis quand on parle de musiciens live, on parle d'associations, comme je viens de le dire, mais il y a aussi le phénomène des qu'on appelle les super DJs, oui, c'est-à-dire oui. Des DJs très, très connus qui vont être appelés à être en prestation dans ce type d'événement-là. Par exemple, le modèle Lee Lezark, qui en plus d'être une muse et un ambassadeur pour Chanel, est un membre du trio de DJ Miss Shapes, que je ne connaissais pas et que je trouvais quand même intéressant. Ou encore, il y a quelques années, Yves Saint-Laurent qui a fait appel au service de James Murphy de LCD Sound System pour sa collection 2010. Okay. Pas fou, Monsieur non. Saint-Laurent. Ça avait fait parler énormément, ça avait été un franc succès. D'ailleurs, parlant de LCD... On va se faire plaisir, qu'en penses-tu? Oui. Alors, on va aller en musique. Je l'aime beaucoup aussi. Avec Daft Punk, It's Playing Out My House. Oui, exactement, merci. Show you the ropes. kid, show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kid, show you the ropes. About 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage. Well, that bug is playing in my house, my house. You got to set them up, kid, set them up. Même 20 ans, même dans certains cas, on voit de plus en plus des musiciens lancer leur propre marque de vêtements. Oui, effectivement. En fait, tant dans la mode que dans la musique, les gens célèbres, on encourage chez les célébrités ce qu'on appelle le côté multitask. C'est vraiment très, très bien perçu en ce moment. En fait, c'est pas seulement le multitask, c'est une question de branding, donc d'avoir une image de marque qui est une espèce de 360, donc dans tes shows, dans ta musique, comment tu t'habilles, si tu fais de la danse, si tu fais des films. Donc, pensons à Beyoncé ici. C'est comme artiste 360. Je crois que c'est ça, le visuel de l'artiste, il fait un produit... audio, finalement, est super important. Il faut que les gens se démarquent de toutes les manières possibles. Bref, du côté de la mode, on a pu voir des gens comme Kate Moss ou Carla Bruni faire des apparitions vocales sur certains projets ou carrément avoir des carrières solo, dans le cas de Carla Bruni. Mais c'est ça s'observe, en fait, encore plus dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de chanteurs, de chanteuses qui s'improvisent, entre guillemets, designers. Oui. Certaines y réussissent très, très bien, comme par exemple Victoria Beckham ou encore Madonna, qui a une ligne de vêtements avec sa fille. Et par contre, il y en a d'autres qui font moins bien ça un peu, comme par exemple Jessica Simpson. Mais là, quand tu parles, moi je connais vraiment pas ça, là, les vêtements. Quand, à part comme ma vie. Mais t'en portes à tous les jours, Hélène. Oui, ça c'est bien vrai quand même. Il n'y a pas moyen de me distinguer dans la rue, je suis habillée. Mais quand tu parles de bien reçu, c'est des critiques de mode. Oui. Ah, ok, parfait. Oui, puis par les fans aussi. C'est-à-dire que je pense pas que ça ait traumatisé quiconque que Madonna se mette à signer des vêtements. Là. Non, c'est vraiment pas traumatisant. On lui en veut pas pour ça. Quoi qu'on peut en vouloir à Carla Bruni de chanter, mais ça, c'est mon humble avis. Voilà. Ceci dit, du côté des modèles, quand on n'est pas doué pour le chant, ben souvent on va apparaître dans des vidéoclips. Pour nommer cet exemple-là, il y a le désormais célèbre Montréalais Zombie Boy, de son vrai nom Rick Genet, qui apparaît dans le clip Born This Way. C'est lui qui a des tatous dans la face partout qui ressemble à un squelette. Là, pour en fait, c'est ça, il y a un squelette en décomposition de tatoué de la tête aux pieds. Au pied? Je pensais que c'était jusqu'à la taille. OK, c'est au pied. Okay. Oh, c'est vérifiable, ça. Mais okay. dans ma tête, là, dans l'image... Mais c'est surtout sa face là, qui est... À mon avis, il est couvert des pieds à la tête d'un squelette en décomposition. Et puis, bref, c'est ça, on peut le voir apparaître dans le clip Born This Way de Lady Gaga. Oui, très fameusement. Et apparemment que ce gars-là, qui, on le sait, était un sans-abri montréalais, mm-hmm. aurait été découvert par l'équipe, pas de designer, mais comment on appelle ça? Les stylistes? Voilà, mm-hmm. par les stylistes de Lady Gaga. House of Gaga. Et par la suite, et d'ailleurs, on pourra peut-être le voir en lien sur la page des archéos. Il a été approché par différentes compagnies de cosmétiques, notamment pour faire la promotion de produits comme des fonds de teint. Et il y a une vidéo du maquillage corporel, oui, c'est... C'est très fameux, impressionnant ça, oui. de voir apparaître un jeune homme joli, bon, avec un peu de piercing, mais bon, il a l'air austère quand même. Oui, c'est ça, il fait des faces un peu bêtes, là, mais il s'assoit sur un banc, puis il est bien normal, il est torse nu. Et puis de fil en aiguille, ben il en enlève des couches. Oui. Fait que finalement, le gars, Zombie Boy, était maquillé des pieds à la tête. C'est super impressionnant. Oui, c'est vraiment bien fait. Oui, franchement. On va le mettre sur la note du blog. Oui, ceci dit aussi, par pur plaisir, parce que visuellement, j'ai trouvé ce clip-là magnifique, on va vous mettre en lien un clip de Woodkid. La pièce s'appelle Iron, et dans lequel on peut voir la modèle... comment on dit son nom? Je pense que c'est... Agnes? Je pense que c'est l'équivalent de Agnès en ouais. celtique, là, quelque chose comme ça, ouais. comme une langue bizarre là, qui vient des îles britanniques. Là. Voilà, appelons-la Agnès. Agnès. Agnès. Agnès. Bon, aucune idée. Bref, c'est une top modèle qui apparaît dans le clip de Woodkid, dont la direction photo, à mon avis, est de toute beauté. Et qui a été extrêmement influente, cette modèle-là, durant les dernières années. Elle a le look que toutes les filles ont maintenant. C'est-tu le look qu'il faudrait que j'aille? Je ne dis rien tellement... sur la présence de mon avocat. là-dessus, on va aller en musique avec le band No Doubt, parce qu'on sait aussi que Gwen Stefani elle-même s'adonne à la mode. Oui, très sérieusement. En fait, même dans les premières années qu'on entendait parler de No Doubt, d'ailleurs, on va faire jouer une chanson de leur album Tragic Kingdom. Qui a maintenant presque 20 ans. Oui, 96. Oui, en effet. Déjà, à l'époque, on la qualifiait de d'égérie de la mode, de personne qui s'inspire énormément des vêtements pour créer et vice-versa. À l'époque, comment on dit en anglais, elle channelait, elle canalisait de manière très forte le look Evita de Madonna dans son film. Quelqu'un s'en souvient? Moi, je m'en souviens. Moi, oui. Oui, ben oui, tout à fait. Mais le look comme donc années 40 avec des superbes robes, des cheveux très bien coiffés, avec des coiffures très élaborées. Donc à l'époque, Gwen Stefani était comme ça. Puis son petit point indien dans le front tout le temps. Mm-hmm. Et aujourd'hui, elle est rendue, je sais pas trop comment la qualifier, là, mais elle a tout le temps été impeccable. Elle est fantastique, elle est magnifique, mm-hmm. cette femme-là, elle vieillit bien. Oui, puis, elle chante bien. Oui. J'aime beaucoup sa voix. Ils ont fait de très, très belles choses, No Doubt, alors mm-hmm. on va aller les écouter avec Sunday Morning. You adolescence en musique. Je disais tout à l'heure, pendant la chanson à Aylen, que le show de cet album-là est encore aujourd'hui... À Montréal. Oui, mm-hmm. Au Spectrum de Montréal, à l'époque, est encore un des meilleurs shows que j'ai vus de ma vie. Puis pourtant, je commence à en avoir vu quand même plusieurs. Mais il y avait de l'ambiance là, c'était incroyable. Il doit faire chaud. Il faisait excessivement chaud et je me souviens, puis écoutez, je devais, en 96, j'avais quoi, peut-être 14 ans, je ne sais plus. Mais bref, il faisait très chaud. On est sortis de là, il faisait vraiment pas beau. Genre, il pleuvait à grosses gouttes et la moitié de la salle est allée se baigner dans la fontaine de la place des Arts. Mais ça devait, comme il va avoir comme, si se faisait le moindrement froid, là, il va avoir de la fumée qui sortait des corps. Ah, ça, je trouve ça fascinant, ça, quand on a froid, puis qu'on sort, quand on a chaud, qu'on sort ouais, au froid, fait, là, puis... Ça fait cool. On est tous là. Voilà. Bon. Ben, les vêtements aussi, c'est très représentatif de sous-culture qu'il y a dans le monde, le grand monde du rock. Mm-hmm. On pense à l'uniforme métal, un jean, un chandail métal, des cheveux longs. L'uniforme punk, des surtout studs. Au début des années 70. Ah non, punk, c'était... Oui, c'était des studs, oui, okay, il y avait des aiguilles dans n'importe quel orifice corporel, en fait. Hein, pas il juste y avait dans des mohawks. Des mohawks avec des cheveux orangés, des jeans troués. Je pense que c'est la première fois qu'on voyait ça, des vêtements... Maganés on purpose. Oui, c'est ça, comme ça. Puis c'est... En fait, Dick... Hebdige, qui est un théoricien des sous-cultures qui a surtout œuvré à la fin des années 70 en Grande-Bretagne, a écrit un livre très important sur les sous-cultures, et en particulier sur la sous-culture punk, et dans lequel il disait finalement qu'il y avait une homologie, là, une correspondance entre tous les éléments de la culture, de la sous-culture punk. Donc, il y a une idéologie qui est « no future », il n'y a pas de futur, le système est pourri. Les adeptes de punk s'habillent pourris, s'habillent avec des vêtements qui sont troués, qui sont... Ils sentent le pourri. Non, c'est pas vrai. Ben, peut-être. On sait pas, on n'était pas là. Et puis, ils écoutent la musique aussi qui parle de délabrement, qui est faite avec seulement 3 accords. Là, ouais. C'est vraiment de base. Et qu'on peut dire un peu de la musique délabrée aussi. On pourrait mm-hmm. comme la comparer à une maison. Il n'y a pas beaucoup de structure là-dedans. Donc, ouais, c'est vrai, c'est une bonne comparaison. Donc, il y a vraiment une homologie, une correspondance entre plusieurs éléments. Et les vêtements font partie de ça de manière très importante. Le gothique, mm-hmm. on l'a oublié, mais le emo aussi, les cheveux en face, hein, le quoi, 10 ans, là, milieu des années 2000, là, nos petits adolescents, les cheveux noirs avec les cheveux en face, ouais. qui écoutaient des chansons d'amour torturées. Là. Ah, c'était beau, moi j'aimais ça. Ouais, c'était comme assez... C'était tortueux, mais féminisé, on dirait, comme, ouais. Comme look, c'était particulier. Le maquillage. Tout ça pour dire, finalement, que c'est très facile de regarder quelqu'un bon qui s'exprime beaucoup par ses vêtements, on s'entend, là. Moi, je pense pas que les gens puissent deviner ce que j'écoute, mais c'est assez facile de faire l'association entre le genre puis les goûts musicaux d'une personne, presque du premier coup d'œil, finalement. Des gens qui sont très stéréotypés, c'est tout à fait possible. On se trompe pas souvent, mais des gens stéréotypés, là, des gens qui, ouais. qui adoptent vraiment les uniformes. Ou même dans les écoles secondaires, c'est oui. un phénomène oui. qui est agréable à observer. Oui. Les sous-groupes, là, les gangs... On peut presque deviner c'est quoi leur style musical, là. Oui, oui, absolument, oui. C'est intéressant. Ceci dit... Oui. Puis qu'est-ce qui arrive, en fait, c'est qu'après, quand il y a un groupe avec un certain poids culturel, l'industrie de la mode reprend ces vêtements-là et mm-hmm. les distribue au grand nombre. Et c'est ce qu'on a vu en un temps record, selon moi, avec le grunge. Le grunge qui a été une sous-culture de Seattle très bien, comme... cadré et vraiment à l'intérieur, c'est comme dans la ville, à l'intérieur des montagnes, là, ça bougeait pas. You're Nevermind qui est sorti, et je pense qu'en 6 mois, il y avait... Tout le monde portait des chemises carottées. Puis tout le monde avait les cheveux Kurt Cobain. Oui, oui, puis les filles, je me rappelle, c'était comme des robes avec des leggings en dessous. Ça revient en ce moment. Puis il y avait des bombers aussi en haut. Ah, les bombers, mon Dieu. Puis des grosses bottes Doc Martens. Des Doc Martens. Plus t'avais de trous, plus t'étais respectée. Ouais. Ah, mon Dieu. Je suis tellement contente de ne plus vivre ça. Ouais, moi aussi, quand même. Mais ceci dit, le vêtement en tant qu'objet est aussi très important pour les musiciens parce que c'est un outil promotionnel incomparable. Dans la tous merch, les spectacles ouais. où on va, il y a des t-shirts à vendre, puis en même temps, mais c'est ça, on voit passer à tous les jours, je sais pas combien de, c'est ça, de gens qui font carrément la publicité de groupes musicaux, donc... Ça peut devenir des items de collection, comme des mm-hmm. jackets de tournée, mm-hmm. Qui se peuvent vendre très très cher. Queen, mettons, qui font vraiment plus de tournée, on s'entend. c'est un jacket de tournée, genre de la tournée 1986. Tu peux aller chercher quelques sous sur Kijiji. Oui. Ou sur eBay. Et sur eBay, plus. Oui, surtout. plus probablement. Là-dessus, puisqu'on en a fait mention, on va retourner quelques années en arrière et on va aller écouter une pièce de Soundgarden qui s'appelle Spoonman. C'est sûr que, bon, ils ont des titres un peu plus obscurs, mais ça reste une super belle pièce. Alors, allons-y avec Spoonman. Spoon Man. voilà. Le mot préféré de Caroline. Non, c'est pas non, c'est allons-y. Allons-y. Je dis tout le temps allons-y quand je vous envoie une toune. Je vais vous trouver quelque chose pour le prochain épisode. C'est une promesse. Parlant du prochain épisode, on est déjà rendu à la fin de celui-ci, dis-je. Et dans deux semaines, je ne suis pas à Montréal, donc ce sera dans trois semaines. Oui, voilà. Et il se peut que pour la saison prochaine, ça arrive à quelques reprises, que les épisodes soient espacés de deux ou de trois semaines. Ça se peut. Parce qu'on a d'autres jobs dans la vie. Ouais. Voilà. Mais on n'aime pas moins ce qu'on fait pour autant, oui, je vous rassure. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et puis, prochain épisode, le thème... Les super groupes. Voilà. Donc, les groupes qui sont composés de musiciens ou de musiciennes qui proviennent d'autres groupes puis qui deviennent comme huge. Exactement. Ouais. Donc, ou pas huge, pantoute. Des fois, ça flotte. Donc, on parle de tout ça la semaine prochaine. Sur ce, on vous remercie. Oui, pardon. Au prochain épisode, devrais-je dire. On vous remercie beaucoup et on vous dit à bientôt. Au revoir.